Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Hier, assemblage requis à 8h31. Dans quelques secondes, on se retrouve avec David Ferron et son entrevue avec Simon Fitzbé. Pour l'instant, Jack White et Freedom at 21. Trente minutes plus tard. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Ils sont jamais revenus. Non. Aïe, aïe. Hein? Là, on est de retour en direct à 7h01 en ce mercredi matin. Hier, on n'a pas terminé l'émission parce qu'il y a eu une panne de courant à l'UQTR et je suis un petit peu obsessif-compulsif. TOC, tu sais comment on appelle? Ouais. Trouble obsessif-compulsif. Faut que je finisse l'émission d'hier. Okay. Sinon, la parenthèse va rester ouverte. Bon. Donc, pour hier, on remercie Michel Lebon d'avoir participé à l'émission. Ouais, tout à fait. On s'excuse à David Ferron de ne pas avoir passé sa chronique. Non, on pouvait pas. on n'avait pas le temps. On est parti de 8h31 jusqu'à 9h20 environ. Après ça, on est revenu en ondes. Il y avait de la musique qui jouait, mais on n'avait pas terminé l'émission. Je vous dirais pas de rester sur nos ondes, hein, quand même pas si obsessif compulsif que ça. Là. Mais restez pour Assemblage Requis, édition du mercredi matin, qui va commencer dans quelques secondes. Bonne fin de journée d'hier. Bye! Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Requis. David Ferron s'entretient avec l'animateur populaire Simon Fitzbé. On reçoit Maxime Bilodeau avec sa chronique d'une foulée à l'autre. Et on pourrait plus s'en passer, c'est un fait. Kinky Sexy Time Edition. Assemblage Requis recommence maintenant. Voilà, c'est vrai. Bienvenue à Assemblage Requis. On se mercredi matin, 24 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Bon matin, François, ça va? Bon matin, Mathieu Plante. Oui, ça va bien. Est-ce que je t'apprendrais quelque chose si je te disais qu'on était en direct ici au-dessus de Trois-Rivières? Non. Non? Non. En direct? En direct. 7h03. 7h03, exactement. Et on s'entend sur l'heure ce matin. Hey, c'est rare qu'on ait accordé de même. Ouais. Attends, je vais accorder ma voix aussi. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. T'as beaucoup de travail à faire, je pense. Non, ça marche pas. Pas capable. Aujourd'hui à l'émission, David Ferron qui va nous parler, il va parler avec Simon Fitzbé. David Ferron ne sera pas en studio avec nous. Simon Fitzbé non plus. Non plus, en fait ça se passe ça dans un studio, dans notre studio de Quaticook, de Capcha, je pense. On a des bureaux partout, nous autres. Donc ils vont être là-bas pour parler de jazz, entre autres. On va entendre de la musique jazz choisie par Simon Fitzbé, lui qui a fait des chroniques à l'émission depuis le début, depuis 2009 finalement, je pense. Ouais, c'est ça, 2009. Ouais, exact. Ouais. Et c'est ça. Donc on l'aime bien, il est de retour temporairement du moins. Ensuite, ça sera à 8h en passant. À 8h30, Maxime Bilodeau, lui, va parler d'excellence dans sa chronique d'une foulée à l'autre. Il va s'intéresser à l'excellence ainsi qu'à la définition de cette dernière. Il va nous faire part de ses pensées et inévitablement de ses vues sur une question des plus épineuses. Qui est donc le meilleur athlète au monde? Quel sport ou discipline pratique-t-il? Quelles sont ses qualités physiques et psychologiques? Existe-t-il? Là, on se pose pas de questions sur quelqu'un qui potentiellement n'existe pas. Ben, moi, je pense qu'il existe. Ah oui, tu miserais sur qui, toi, non? Écoute, il a pris sa retraite. Mohamed Ali. Non, non, non. Ben, peut-être, malgré que, écoute, ton raisonnement est pas bête, mais non, mais je dirais Wayne Gretzky. Oh! Quant à moi, est un des plus grands. Mais là, Sidney Crosby... Ça, c'est dans le hockey, là. Ouais, c'est ça. Sidney Crosby est quand même fort ces temps-ci, mais bon, avec les blessures qu'il a, peut-être qu'il dépassera jamais Wayne Gretzky. T'es qui un peu, sait? En tout cas, c'est pas Lance Armstrong, ça, c'est sûr. Non, c'est ça, parce que lui, il a rien gagné, finalement. Hein, ça il a tout perdu. Tout perdu, c'est comme si c'était jamais arrivé. Ouais, boy, hein, c'est pas pire drap. Donc, c'est les questions qu'on va se poser dans la chronique sportive d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau à 8h30. Pas sûr que ça soit du hockey, moi, je sais pas. Il me semble qu'il y a des sports plus impressionnants que le hockey, non? Je sais pas, ça doit être de l'athlétisme, là. Sûrement. C'est un peu mal biaisé sur le hockey. Ouais. Je ramène un mot que j'avais sorti, là. Ouais, ouais. Ça marche toujours pas, hein. Ben. Et entre tout ça, mettons en début d'émission, première heure, on va faire on va faire la chronique, pardon. C'est un fait kinky, sexy, time edition. Yeah! Ouais, c'est la semaine pour ça, au moins un ou deux chroniqueurs par jour qui se présentent pas. Donc, avec la semaine de relâche, on peut se permettre un petit peu plus de folerie au lit. Hein? Génial. On essaie le lit en studio et tout. Ouais. Juste pour pouvoir s'asseoir, se coucher dedans. Non, puis, on se couche pas ensemble. Non, on se couche... Non, c'est ça. Chacun de part. Ouais. Avec un mur entre les deux. Et Mathieu, je pensais que ce matin, tu allais nous parler des nouvelles qu'Apple ont... Ben en fait, j'ai prévu. J'ai prévu faire ça. Okay. Je l'ai pas mentionné, t'as bien raison. Ouais, je vais faire ça. Okay. C'est déjà préparé, toi. J'étais pas, je suis pas sûr. C'est pas révolutionnaire, est-ce que je me trompe? Non, non, c'est ça. Vraiment pas, non. C'est pas nécessairement des produits pour moi, en général. Mais bon, on en parle. On va commencer avec ça, tiens. OK. Vu que t'en parles, on commence avec ça tantôt. Pour l'instant, voici Will Driving West avec Painkillers. C'est les pilules qu'il va me falloir pour me remettre d'avoir terminé l'émission d'hier aujourd'hui. Ça n'avait aucun sens. Non. Mais je l'ai bien apprécié. Je suis de même. Ouvre-moi pas une parenthèse sans la fermer. Parce que là, elle reste ouverte, puis je suis comme... Ils vont virer fou. Tu sais, finis pas ta phrase, j'aime pas ça. Cancer into you. Will Driving West et la pièce Painkillers à Assemblage Requis. C'est ce qui débute cette édition du mercredi matin. On aime ça. Ça commence en force. Ben oui, ça commence en force tout en étant relax quand même. Oh ouais, tout à fait. On va monter ça d'un cran. On va essayer. Avec du faux hype là, autour des nouveaux produits Apple. Non, voici Cynix. Dash.com. En fait, je te dirais que ce qui m'énerve là, dans les gens qui couvrent les technologies à la radio, à la télé, sur le web, capsule, YouTube ou peu importe, parce que j'écoutais ça hier, c'est le monde qui ont vraiment une attitude négative dès le départ par rapport à tout ce qui est Apple. Je déteste autant les gens qui ont une attitude positive et genre ils peuvent rien faire de mal, et je déteste les gens qui ont une attitude négative de « Ah, le monde, il achète ça parce que c'est à la mode. » Ça me tape vraiment ses nerfs, ces gens-là. Mais ce que j'ai entendu, mais ce que j'ai vu un peu hier sur Internet, c'est que... Bref, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas la grosse coche, là. Par rapport à... Est-ce que tu parles... Parce que là, il y a eu le iMac, le Mac Mini, le MacBook Pro 13 pouces Retina et le iPad Mini. C'est ça, ben, iPad Mini, mettons, okay. Qui donne pas grand-chose. Ben, l'iPad Mini est pour un public... Tu sais, Apple s'est creusé un marché avec le iPad à la base, un marché qui n'existait pas vraiment, le marché entre un téléphone et un portable. Et là, ils se font un autre marché entre le téléphone et le iPad pour faire un iPad Mini, pour avoir un produit moins cher, pour faire concurrence à d'autres compagnies comme Google et Amazon, etc., etc. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Puis peut-être un petit peu cher. C'est quoi, 350$? Je vais lire l'article tantôt. Mais c'est quelque chose comme 350$ ou plus pour l'iPad mini. Alors que tu peux avoir une tablette, c'est le Google Nexus 7, à genre 250 dans ces coins-là. OK. Donc je sais pas si ça va pouvoir faire concurrence tant que ça. Et c'est même pas un écran Retina Display. Donc si vous êtes habitué à l'iPhone 5 ou iPhone 4S, les plus récents iPhone qui ont un écran à une définition incroyable où tu vois pas les pixels, le iPad mini est comme un iPad 2, mais en plus petit, 7,9 pouces. Bref. Alors, on va parler de l'article et y aller morceau par morceau. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont dévoilé hier la nouvelle version, là on parle d'Apple évidemment, de leur MacBook Pro 13 pouces, le portable vedette de la firme qui est désormais équipé d'un écran Retina. Donc, c'est la première fois qu'un MacBook Pro 13 pouces a un écran Retina. Le 15 l'avait depuis cet été. Il est 20% plus mince que la génération précédente. Ainsi, ils ont aussi annoncé un iMac aminci. Alors, c'est ça votre lead, votre premier paragraphe, c'est complètement MacBook Pro ainsi qu'une phrase sur l'iMac, j'aime ça. Se rapprochant ainsi de la version 15 pouces annoncée en juin, le MacBook Pro de 13 pouces supporte maintenant une résolution de 2560x1600 pixels. Ça représente 4 fois le nombre de pixels de la génération précédente. 4 fois. Le même genre de boîtier, donc c'est juste plus fin. Les pixels sont plus fins. Donc, nouvelle génération de portable qui est plus mince, 0,75 pouces ou 1,9 cm, plus légère, on parle de 3,57 livres, est équipée d'un processeur double cœur Intel i5, donc seulement un i5, pas un i7. I6, c'est i6 qu'on a dans le téléphone? Non, c'est un A6. A6. C'est un autre genre de processeur de chip ou de puce, c'est complètement différent. Même si ça sonne pareil. Deux, ports Thunderbolt, ça c'est les ports récents d'Apple là, qui mettent sur certaines affaires, dont leurs écrans. USB 3.0, parfait. Un port HDMI direct, ça c'est un mini HDMI, donc directement pour la télé au lieu d'avoir un adaptateur. T'as un lecteur de carte SD encore aujourd'hui, apparemment que c'est utilisé par des gens. Il dispose de 8 GB de mémoire vive, donc 8 GB et non pas 4, c'est très bien. Et sa puce graphique Intel HD Graphics 4000 complète ses caractéristiques. Le modèle de base est doté d'un processeur Core i5, comme j'ai dit. Il va se vendre avec un 128 GB de disque dur SSD. Donc ça c'est de la mémoire flash, donc pas de partie movible. Ou qui bouge, là, patente. C'est de la mémoire comme une clé USB. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide pour démarrer des programmes. Par contre, ce que ça fait, c'est que vous avez beaucoup moins d'espace parce que ça coûte beaucoup plus cher des SSD que des disques durs normaux. Il faut avancer vers ça. On s'en va. Ça me surprend que ce soit aussi long avant qu'on passe complètement à ça. Mais les gens veulent encore leur 500 GB pour mettre leur toune, tu sais. Ouais, mais c'est ça. C'est juste très, très lent, un disque dur, par contre, avec des petites plaquettes et des affaires et des aiguilles qui tournent, là. Donc, le 8 GB de RAM, Core i5, 128 GB de SSD, ça va se vendre 1700$ prix de base. C'est le modèle le moins cher. Les livraisons des précommandes débutent dès mardi, donc aujourd'hui, hier, comme on dit. Et puis, pour le modèle le plus... là, l'article est complètement erroné, là, parce que ça dit qu'il faudrait débourser 1700$ pour le modèle plus haut de gamme. Tu peux voir le modèle haut de gamme pour 1700$ et le modèle de base pour 1700$ aussi, ça ne se peut pas. Mais bon. J'ai pas de prêt avec moi. Intégrant plutôt un processeur double cœur Intel i7, donc on passe à la coche supérieure, et 256 GB de RAM. 250 GB de RAM. Qui a écrit cet article-là? C'est pas 250 GB de RAM, mais on est à 8 en ce moment. 250 GB de disque dur. Hey, excuse-moi, là, c'est qui ça? Ah! Oh, agence QMI, whoops! Hey, non, mais tu parles d'un débutant qui a écrit ça, c'est quoi? C'est un stagiaire, là? Ça se peut. En tout cas. J'ai même pas envie de lire le reste de l'article. Nouvel iMac, le troisième, la troisième annonce d'importance. Troisième annonce après la première qu'on nous a donnée. C'est bon. Ça dit iMac, donc qui est une première depuis 2011. Nouvelle version, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. 5 mm d'épaisseur. Là, on dit 5 mm d'épaisseur. C'est que l'écran sur le bord est très mince. C'est vraiment quelques millimètres. Mais il y a un gros genre de ventre ou un dos bossu de Notre-Dame en arrière. Là, donc, ça compte pas vraiment. On dit que c'est le plus beau Mac jamais construit. C'est ce qu'a dit Phil Schiller, tout en précisant qu'il sera disponible comme les autres générations en version de 21,5 pouces et aussi une version de 27 pouces. Le modèle 21.5 est doté d'un processeur i5, donc le plus, je dirais, entre guillemets, bas de gamme en ce moment. 8 GB de mémoire vive pouvant être augmenté à 16. 1 TB disque dur, donc c'est encore un disque dur normal avec plaquette. Ce qu'il précise pas dans l'article et ce qui est très nécessaire à mentionner, c'est la nouvelle option Fusion. Qui va vous permettre d'avoir un disque dur SSD et un disque dur normal avec plaquette, etc. Et les deux vont fonctionner ensemble en logiciel, donc dans macOS 10, pour que ton système et tes programmes soient sur le SSD et donc démarrent rapide, et tes données, tu vas avoir plein de place, mettre ta musique, tes vidéos de porn sur l'autre disque dur. Donc ça va marcher en tandem un peu. Ça, c'est la nouvelle option chez Apple. Le modèle de 27 pouces est équipé d'un processeur i5 ou i7, 8 GB de mémoire vive et puis 1 Teraoctet de disque dur, ça c'est à 1 800 $. L'autre, 21.5, c'était 1 300 $, je ne l'avais pas mentionné, et ça va être dès le mois prochain. Le 27 pouces, lui, va être en décembre. Donc vraiment, tu sais, il faut. Chacun a ses spécifications et sa date de sortie. C'est un petit peu confus, là, ils ont pas lancé tout en même temps, ce que je trouve un petit peu malheureux. Là, ça c'est pour les ordinateurs. Évidemment, on parle aussi de l'iPad 4 et de l'iPad mini. Moi, après le lancement... Après le nouvel iPad, l'iPad 4. Après le nouvel... Exactement. Donc, le nouvel iPad bizarre, est maintenant ça. L'ancien nouvel iPad. Ouais. Parce qu'il s'appelle pas officiellement l'iPad 3. Très bon point. Donc, un mois après le lancement de son iPhone 5, Apple a présenté mardi deux nouvelles versions de sa tablette iPad. Donc, l'iPad mini de 7,9 pouces. Les rumeurs sur Internet disaient 85, je crois. Donc, c'est 7,9 pouces. On a fait un chiffre un petit peu plus rond. Les gens vont dire 8 pouces partout dans les médias pour arrondir. Mais tu sais que 8 pouces, ça voudrait dire que ce serait 0,3 pouces de plus grand que ça. Et 0,3 pouces, c'est quand même significatif. Donc, c'est 7,9 pouces. Et l'iPad 4 aussi a été annoncé lors d'une conférence à San Jose, en Californie. Le modèle réduit de la tablette d'Apple est doté d'une diagonale de 7,9 pouces au lieu des traditionnels, 9,7 pouces des autres générations de l'iPad. L'iPad mini n'a pas droit à l'écran Retina Display, ce qui est vraiment la raison que je trouve que ça m'intéresse pas. À la base, l'iPad en tant que tel m'intéressait pas. On se rappelle, on en a parlé tellement longtemps, tellement souvent. Quand ils ont annoncé ou quand les rumeurs ont fini par fuiter là-dessus, j'étais, je dois dire, intéressé par l'iPad mini. Je trouve que c'est une grandeur parfaite, 7,9 pouces. Le Google Nexus 7 m'intéressait depuis longtemps aussi, mais il n'y a pas le App Store d'Apple. L'iPad est trop gros d'habitude. Moi, tant qu'avoir un grand écran, je vais avoir un portable. Mais s'il n'y a pas de Retina Display, depuis que j'ai l'iPhone 5, est-ce que tu as le Retina Display sur le tien? Non, 3G, c'est non, non. C'est remarquable. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. J'ai utilisé l'iPod Touch de quelqu'un récemment qui a le même écran que mon ancien iPhone 3G. Et non, c'est les pixels sont, je veux dire, ça a l'air vieux. On dirait un vieux Game Boy, t'sais. Alors que l'iPhone 5, c'est juste trop beau, trop rond. OK, peut-être que je suis superficiel là-dessus. Essayez-le et dites-moi que vous trouvez pas ça beaucoup plus beau. Bon. Donc, il n'y a pas ça dans l'iPad mini. Par contre, il est 23% plus mince et 53% plus léger que la troisième génération. Aussi mince qu'un crayon et aussi léger qu'un bloc-notes, dit Phil Schiller. Bravo pour les comparaisons. La coque de la tablette est faite d'aluminium et de verre et mesure 7,2 mm d'épaisseur pour 0,68 livres. Même pas, c'est à peine plus qu'une demi-livre. De verre. L'iPad mini sera disponible en blanc et en gris, donc un genre d'aluminium brossé. Cette tablette de format réduit est munie d'un processeur double cœur A5. Donc là, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Je trouve ça dommage que l'article ne le dise pas. Dans l'iPhone 5, c'est le A6. Dans le iPad, nouvel iPad, l'ancien nouvel iPad, le 3. Ouais, le 3. On va tous l'appeler le 3, je pense. C'est quoi? C'était le 5? C'était le 5. Et le nouvel iPad 4, je crois que ça va le dire plus tard, a la puce A6. Donc le nouveau iPad gros, le 4, ouais. A une A6, pareil comme l'iPhone 5, c'est-à-dire super plus performant que l'ancien, genre ça bat des records, OK? Et là, l'iPad mini a l'ancienne puce de l'iPhone 4S. Essaye de repasser. C'est à peu près ça. Donc, moi, ça, je tripe pas là-dessus. Port Lightning. Donc, on a vraiment amené les ports Lightning, le plus petit port là, qui est aussi sur l'iPhone 5, sur toute la nouvelle gamme de iPad. Okay. Donc, ça s'en vient tout, là. Partout. Tous les produits, vos adaptateurs vont marcher là-dessus. Vos nouveaux docks vont marcher là-dessus. Donc, ça, on peut s'attendre à ce que ça dure un bon bout de temps. Je pense qu'on est bon là-dessus. Une fois que c'est changé, c'est difficile de changer d'adaptateur ou de fil, mais une fois que c'est fait, on est parti pour la gloire. Caméra de 5 mégapixels à l'arrière, mais une caméra FaceTime HD à l'avant. OK. La Apple Mini est compatible avec le réseau 3G et 4G, évidemment. Il y a une puce dédiée pour ça et il va falloir avoir un contrat chez une compagnie de téléphone. Et évidemment, il y a plein de modèles de chacun, iPad mini et iPad 4, par rapport à quel réseau vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez seulement du Wi-Fi? Est-ce que vous voulez le Wi-Fi noir, le Wi-Fi blanc? Le 4G noir, le 4G blanc? T'sais, il y a comme des dizaines de modèles. Il va falloir magasiner pour ça. Apple prétend que son iPad mini dispose de 10 heures d'autonomie, ce qui est quand même pas si mal que ça. La version Wi-Fi de l'iPad mini sera disponible à partir du 2 novembre. Et la version Wi-Fi 4G arrivera 2 semaines plus tard, comme dans le cas de l'iPad 4. Les précommandes sont ouvertes à partir du 26 octobre, donc c'est vendredi. La version Wi-Fi de l'iPad mini va se vendre 329$ pour le 16Go, 429$ ensuite pour le 32, 529$ pour le 64 et 459$ à 659$ pour la version plus haut de gamme. Là, on parle de différence entre, j'imagine, le Wi-Fi et je sais pas. Ça dit de 459$ à 659$ pour la version plus haut de gamme, mais ça dit pas pourquoi. Ouais. Merci. Note à moi-même, prendre les articles ailleurs. Apple a équipé son iPad 4 de la puce A6 qui promet d'être 2 fois plus rapide. Ça, on l'a déjà dit, on le dit avec l'iPhone 5, plus puissant que l'ancienne. Blablabla. Et puis, c'est ça. Le reste, c'est à peu près ça. Voilà pour les nouvelles de Apple. Ils ont aussi annoncé un Mac mini qui n'est pas mentionné dans l'article. Je trouve ça dommage aussi. Mais nouveau Mac mini qui va servir aussi comme serveur. Et puis plein d'autres détails comme ça qu'Apple a décidé de changer juste d'une petite coche. D'une petite coche. On n'a pas du tout entendu parler du Mac Pro. Donc ça, c'est la grosse boîte, là, le gros ordinateur de la tour, là, si on veut. Ils n'ont pas parlé de ça. Les gens attendaient ça. Ça, il n'y a rien de changé à date? Non. Et je sais pas si ça va changer. Ça va pas se faire, je pense pas. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveau modèle de ça que j'ai l'impression que c'est sur sa fin. S'il y en a une dernière modification, ça... C'est mieux de tout changer? Ben, peut-être, mais je pense que le... Je sais pas. C'est difficile à dire. Pour vrai, les gens en veulent plus. Les compagnies qui font de la vidéo, des jeux vidéo, des affaires en 3D ont besoin de puissance. Pour l'instant, ils peuvent garder leur Mac Pro et upgrader les pièces à l'intérieur. J'imagine que ça doit se faire. Mais c'est pas la panacée. Les gens en veulent plus. On verra. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est vraiment qu'ils ont annoncé un iPad 4 aussi tôt. Parce que d'habitude, c'était au début de l'année. C'est vrai, ça fait pas super longtemps. Hein? Ça fait pas un an loin de là. Non. Je pense que c'est genre 8-9 mois, j'estime. J'ai pas la date, là, mais c'est d'habitude, c'est au début de l'année, genre, il me semble, c'est comme février. Février-mars. En tout cas. Donc, si vous avez acheté, et là, j'avais un autre article là-dessus, si vous avez acheté votre iPad depuis les 15 derniers jours, d'habitude, ou 14, vous pouvez passer au prochain, juste l'échanger s'il n'y a pas de graffinure. Certains magasins aux États-Unis donnaient 30 jours de bac. Donc, si jamais vous avez acheté votre iPad depuis les 30 derniers jours, ils acceptaient. Mais ça, il faut vérifier dans chacune de vos branches du Apple Store. Ça, c'était un magasin en particulier. Mais bon. Maintenant, parlons de Microsoft, un petit peu juste pour pas avoir l'air de faire que des nouvelles d'Apple quand je fais un bloc de nouvelles. Tu sais, ça te tente-tu? À l'occasion du lancement de Windows 8, Microsoft va inaugurer la nouvelle application Smart Glass qui va fusionner les écrans de divers appareils comme téléviseurs, tablettes, téléphones intelligents et PC en transformant les appareils mobiles en télécommandes tactiles. Ce nouveau service est compatible avec 19 jeux et applications Xbox. On parle entre autres de Dance Central 3, Forza Horizon, Halo's Waypoint et Kinect Sesame Street. Ça fait partie des catalogues de jeux. Il y a aussi des applications comme ESPN, NBA Game Time, etc. L'idée de transformer les tablettes et autres téléphones en télécommandes tactiles afin d'interagir avec une Xbox, mais c'est pas tout. Ces écrans portables peuvent potentiellement afficher des données en temps réel, notamment des statistiques lors d'une transmission sportive, ou par exemple, on pourrait aller voir IMDb en même temps puis avoir des affaires qui naviguent en même temps qu'une émission de télé ou un film. Voilà. Les applications Facebook et Twitter ont été retirées d'Xbox Live. Grosse surprise, je sais pas si tu utilisais Facebook et Twitter sur ton Xbox Live. Non. Comme la plupart des jeunes, non. Ouais, non, ça donne rien. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils les enlèvent. Je veux dire, d'habitude, tu ajoutes des fonctionnalités sociales à ta console. Là, Microsoft les enlève. Je sais pas trop. Microsoft souhaite inciter les joueurs à utiliser la version Xbox d'Internet Explorer pour aller visiter le www.twitter.com ou facebook.com. Ceux qui ont déjà installé les deux applications peuvent encore les utiliser, mais il est maintenant impossible pour les nouveaux de les installer. Le quart des jeunes sont amis avec leur patron sur Facebook, François. Okay. Un quart des jeunes salariés de 18 à 25 ans sont amis avec leur patron sur Facebook, une proportion s'élevant même à 33 % aux États-Unis, mais s'établissant seulement à 8 % en France, selon une étude de la Société de sécurité informatique AVG, menée auprès de 4400 jeunes en 11 pays. Parmi les pays étudiés, c'est en France que le taux est le plus bas, mais il atteint ou dépasse les 30 % dans de nombreux pays comme en Espagne, en Australie, en Italie ou encore au Royaume-Uni. 60 % des jeunes sondés indiquent également être amis avec des collègues de travail sur la plateforme, mais la majorité d'entre eux reconnaît aussi n'avoir jamais contrôlé leur profil en ligne ou supprimé du contenu potentiellement nuisible à leur carrière. Jamais contrôlé leur profil en ligne? Ils n'ont jamais modifié des affaires ou enlevé des phrases, des statuts, des choses qui devraient ne pas être vues par un patron ou un collègue, par exemple. C'est ça que je trouve bizarre, c'est les gens chiolent contre Facebook, se désinscrivent ou s'effacent de Facebook. Fais donc juste attention. Oh oui. Je sais pas, efface tes photos de ta soirée du F1. Je sais pas, c'est... Non? Ou mets-en pas. Mais l'affaire avec Facebook, c'est que si quelqu'un d'autre te tag de nos jours, je pense que t'es obligé, tu peux pas... Tu sais, avant, il fallait que t'approuves. Non, je pense qu'avant, il fallait que t'approuves, mais maintenant, il faut que tu demandes de l'enlever, puis l'ami est pas obligé de le faire. Si je me rappelle bien de la règle, il faudrait confirmer, mais il me semble que c'est... Un robot interactif pour vous aider à maigrir. mieux que son téléphone intelligent et ses applications pour se tenir à un régime, le robot Atom se présente comme une alternative plus personnelle et interactive. La créature d'un diplômé en robotique du célèbre Massachusetts Institute of Technology a été développée en 2010 et a attiré l'attention des médias au CES de Las Vegas cette année. Cet appareil devrait être commercialisé aux États-Unis l'année prochaine à un prix bien inférieur à celui initialement envisagé. Il est déjà disponible en précommande. Il va être livré au début de 2013 pour 200 $ au lieu de 300, avec un abonnement mensuel de 20 $ par mois. Ouais, c'est pas pire. Du haut de ses 38 cm, ce robot doté d'un écran tactile peut discuter avec son propriétaire de son alimentation. Ses grands yeux sont expressifs et sa tête pivote grâce à un ordinateur intégré qui détecte les visages humains et qui permet de soutenir le regard. Cet ami interrogera son propriétaire sur ses habitudes alimentaires. Il encouragera au quotidien son propriétaire et offrira des conseils personnalisés à partir des infos qu'il aura glanées auprès de lui. Son fabricant aimerait développer à l'avenir une version intégrant la reconnaissance vocale. C'est mieux. Pas pire. Je sais pas si t'as entendu parler de Isaiah Triforce Johnson, FO. Non, non. C'est qui ça? C'est un fan de Nintendo. Et Nintendo le connaît très bien. C'est américain, plutôt persévérant. Un peu trop, malheureusement, oui. Il est connu comme le loup blanc aux États-Unis puisqu'il met systématiquement un point d'honneur à être le premier acheteur de chaque nouvelle console de Nintendo. Donc, il a été en effet le premier à enregistrer l'achat d'une Wii et d'une 3DS en magasin. Et compte bien refaire ça à la Wii U qui sort en novembre. Il a déjà commencé à camper devant une boutique Nintendo World et ça un mois avant la sortie de la machine. Fourette. On ne sait pas encore s'il est totalement sérieux. Il a tweeté une photo de ses premières minutes d'attente. Mais il a reçu un Guinness World Record Award des mains de Reggie Fils-Aimé, le patron de Nintendo America, pour avoir été présent à 7 soirées de lancement de consoles Nintendo consécutives. Il veut, hein? Ouais, un peu trop. Je comprends que la Wii U, c'est le fun. J'ai hâte de jouer au nouveau Mario. Je sais pas. T'sais, ouais, t'sais, sincèrement, écoute, t'es le premier à acheter une console. Wow. Oh, big deal. Ben ouais, tu l'achèteras dans la semaine. De toute façon, c'est sûr que la Wii U risque de créer pénurie. Je me demande s'il va y en avoir assez pour tout le monde le premier jour. C'est bon. Pour le MacBook... Ça sort quand, avant Noël? C'est fin novembre. Fin novembre, ça s'en vient. Il semble que c'est fin novembre. Tu vas l'acheter avant Noël ou... J'aimerais ça, mais en même temps, tu sais, gars, j'avais mis mon MacBook Pro là, sur lequel je tape en ce moment le mot que j'ai tapé. Je l'avais mis sur autre chose, là, Kijiji. Ouais. Et je l'ai enlevé. Ouais. Parce que c'est cher, un MacBook Pro 13 pouces, hein? J'imagine. Retina display, mais 1700$ de base. Hein, yeah. Si je le vends à 1000$, mon ordi, il me manque 700$, puis j'ai pas ça. Fait que la Wii U, j'ai tendance d'habitude à acheter une console, l'en prendre très très soin, la revendre pour acheter l'autre. Avec la Wii, ça risque de se faire. Ok, tu vas vendre ta Wii? Je pense que je vais vendre ma Wii. Ouais. Mais bon, on va voir. La date de sortie est le 18 novembre. Voilà, 18 novembre. Je me mêlais avec le 26, mais le 26 octobre, c'est la sortie de Windows 8. OK. 26 octobre, Windows 8, 18 novembre, Wii U. Quelques nouvelles en bref. E3 2013, on dit édition, on n'a pas manqué. Donc, le grand rendez-vous de l'industrie du jeu vidéo qui aura lieu à Los Angeles en 2013, encore une fois. Et plus que jamais, la question se pose. Après quelques éditions en demi-teinte pour les dernières années, que faut-il attendre en 2013? Pour les organisateurs, la réponse est trouvée. 2013 est l'année de l'E3. Le site dédié qui vient d'ouvrir indique clairement « Voilà le 3 à ne pas manquer ». Le message n'est peut-être que du vent promotionnel, mais cache peut-être aussi ce que tout le monde a en tête, la présentation des nouvelles machines de Sony et de Microsoft. Donc, allez voir e3expo.com. Et puis, si vous voulez que Skyrim, le jeu vidéo Skyrim, fasse partie de votre bibliographie obligatoire au prochain semestre, il va falloir s'inscrire à l'université de Rice, située à Houston, dans le Texas. Un cours intitulé « Monde de la fantasy, les sagas du Vieux Nord et Skyrim ». Ça pourrait être suivi par les étudiants qui le souhaitent durant un semestre. C'est sérieux? Je te jure. Wow. Ben, y a eu des cours, c'est Simpson et c'est Beatles. Hein? Le cours comprendra une introduction au style fantasy, l'étude des grandes sagas scandinaves ainsi que celle de la mythologie de Skyrim. Le but étant au final d'étudier la façon dont l'ancienne culture scandinave a pu être sortie de son contexte et adaptée pour devenir un élément d'inspiration de la culture moderne anglo-américaine. Wow. Ça a l'air le fun. Et rejet du recours collectif contre Sony. On se rappelle, l'année passée, il y avait des joueurs qui avaient déposé un recours collectif contre Sony à la suite de la panne du PlayStation Network en 2011. C'est vrai? Je te rappelle. Ouais. Le juge Anthony Battaglia a expliqué que le PlayStation Network était un service gratuit et donc les plaignants n'ont rien perdu monétairement. Hey, c'est logique. Ouais, tout à fait. J'approuve, c'est logique. C'est « Oh, j'ai pas pu jouer pendant quelques temps. Oh, » oh, oh. Ouais, mais t'as pas payé pour ça. Ben, c'est ça. Fait que laisse donc faire. Depuis, les demandeurs ont eux-mêmes avoué que Sony n'était pas responsable de l'attaque perpétrée. C'est tout à fait vrai. Finalement, Battaglia affirme que l'accord d'utilisation signé par tous les membres PSN stipule que ce type d'erreur peut survenir. Donc, les membres ont accepté les termes de cet accord, sachant que les problèmes pourraient survenir. Hey, j'aime ça, une décision judiciaire qui a du sens. Demain. Et sans aucun sarcasme. D'habitude, j'aurais été rempli de sarcasme, mais personne n'aurait compris parce que des gens qui détectent pas le sarcasme. Mais ça, c'est une bonne décision. Voilà pour CNX pour aujourd'hui, François. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Toi, aucun produit de Apple t'intéresse? Non, présentement, non. Je t'avoue, peut-être iPhone 5, éventuellement, quand je vais changer mon téléphone. Sûrement le 5S sinon, d'ici là, non? Ouais, c'est ça, j'imagine. Là. Tout dépend d'elle. On verra. On verra bien. Hey, on écoute les trois accords. Avec une nouvelle pièce, oui. Du palmarès. Nouvelle pièce de leur album J'aime ta grand-mère, avec une jolie grand-mère en couverture. Jolie. c'est passé au détestable. Ah, c'est vrai. Voici Bamboula, 89.fm. C'est fou. C'est fou, là. Bamboula. Je fais du feu et je danse et je tourne autour en vrille. Je tourne autour en vrille. Au fond du ravin, je fais du feu et je tourne autour en vrille. Tape dans mes mains, j'entends l'état de transe dans la lumière qui scintille, la lumière qui scintille. Tape dans mes mains, j'entends transe dans la lumière qui scintille. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un en uvante, et puis je dessine un carré, je dessine un carré. Dès que je reviens, une uvante, je dessine un carré. Dès le lendemain, une chaisière de cendres, et je peins des points et des grilles, et des points et des grilles. Dès le lendemain, une chaisière, et je peinture et des grilles. Et puis soudain, comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un besoin de ne plus rien remettre à demain. Bamboula, nous serons là. Bamboula, bamboula, bamboula, nous serons là. Au retour, on va apprendre qu'un iPad mini pour checker des affaires de porn, là, ça va être un petit moment. Là. Dans... ce qu'on veut, c'est de la définition. Là. Ouais, du Retina Display. c'est du Retina Display. Au retour, c'est un fait, Kinky, Sexy Time Edition. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ben, je suis en train de lire l'annonce du nouveau char à François. Ben, c'est pas le nouveau. C'est l'ancien char. On va en parler après avoir dit que ça, c'était Diamond Rings et la pièce Everything Speaks. C'est pas l'extrait du palmarès. L'extrait du palmarès, c'est I'm Just Me. On l'entendra une autre fois. Une autre fois, Assemblage Rue. Exactement. Demain. Bonne idée. Demain, on va tenir parole. Ouais. Est-ce que ce serait trop de parler vraiment du fait que tu vends ton auto en... Ben, j'étais un peu gêné. Un peu gêné. Mais t'as écrit un texte drôle. Ben, pas super drôle. En fait, ça dit ce que ça a à dire. Là, que, en fait, c'était comme un bon char qui valait cher au début. Et que là... écoute, moins. Le temps en fait son temps. Uh-huh. Et puis... écoute, je sais pas quoi dire. Tu me prends un peu de cours. Vous allez vous sentir comme le grand PDG d'une compagnie immobilière en Floride, c'est ce que t'as dit. Bon. Ouais, ben c'est ça. Là, en fait, là, parce que tu sais, c'était quand même un char qui était classe. Là, oui. C'est une Dodge Dynasty 1990. Ouais, exactement. Et puis, 132 000 km. Là. Allez voir ce qu'il juge, là, si vous voulez. Ouais, exact. Si vous voulez l'acheter. Parce que, idéalement, le but, c'est de le vendre. Le but est de le vendre 600 $. Si c'est, oui, exactement. Pas vraiment négociable, écoute. Non, apprendre ou à laisser, comme on dit dans le domaine. Ben, écoute, je te force pas à le prendre. Non, c'est ça. Et t'as tradé up ça, toi, pour un Echo. Toyota Echo, ouais. Exact. 2005, t'es dans la décennie 2000, toi. Ouais, écoute, on essaye. T'as upgradé de quel... C'était quoi avant ta Dodge Dynasty, toi, là? 90. T'avais une 90 avant? Avant la Dodge, aussi? Avant la Dodge Dynasty. Ta Corsica, là? Ouais, ma Corsica, c'était une 91, donc, t'avais reculé d'un an. J'avais reculé d'un an. Écoute, j'y allais avec le prix, là. Ben oui, ben, tu fais bien. Donc, 1990 Dodge Dynasty sur Kijiji, si ça vous intéresse. Allez voir ça, là. C'est la voiture qu'on voit de devant. Elle est rouge avec des arbres d'automne dessus. C'est bon. Donc, François, maintenant, tu sais qu'il y a des gens qui ont des fantasmes bizarres. Tu sais, comme on a vu dans les émissions à TV, il y a des gars qui font des choses avec leur voiture, ça. Dans l'exemple. Pour vrai, là. Non, c'est vrai, tu en as parlé la semaine dernière. C'est ça, je peux vous assurer d'une chose, par exemple. C'est ça pas arrivé avec le Dynasty. Non, mais ça pourrait vous arriver. Peut-être. Voici, c'est un fait kinky Sexy Time Edition. C'est un fait, c'est la chronique véridique, véritable et vérifiable. Et là, c'est l'édition spéciale Kinky Sexy Time Edition. De moins en moins spéciale, parce qu'on en fait souvent. Mais de plus en plus sexy. Et de plus en plus séduisante. Donc, commençons, allons-y tout de suite avec une rafale de faits des plus kinky et cocky. Cocky. Les femmes qui boivent deux coupes de vin par jour ont, selon une étude, une meilleure vie sexuelle. Deux coupes de vin par jour. OK. Les alcooliques, qu'on appelle. Non? Les étudiants de l'université Harvard avaient un service de livraison de condoms pour une courte période en 1985. Leur slogan était « We'll come before you do ». On va venir avant vous. Vous portez des condoms. Évidemment. C'est pas pire. Comme slogan, j'aime ça. La personne moyenne dort ou couche avec 9 personnes dans toute leur vie. 9 personnes. Okay. Ouais, ça inclut ta mère quand t'es jeune. Oh, mat. Donc, peut-être pas la mienne, mais la tienne. Moi, c'est pas ce qu'elle disait hier. Oh, ok, on l'arrête. Le Japon a réussi à assembler la plus grande orgie du monde. Wow. Légalement ou ben, ça, juste ça l'histoire pas. La dit pas? Non, 250 hommes, 250 femmes au Japon. Un boy. Eh ben, ta mère, t'as-tu là-dedans, oui? On va lâcher ta mère. Les pieds froids peuvent... On va prendre la tienne. Oh, prends ma mère, s'il te plaît. Les pieds froids peuvent vous empêcher d'avoir un orgasme. OK. Donc, porter des bas augmente les chances d'avoir un orgasme. Si on y va par association. Ouais, tout à fait. C'est ça. Des pantoufles aussi. Aussi. Il y a environ 42 millions de prostituées au travail dans le monde. 42 millions. Ta mère, tu l'as dedans? Non, là, ça va faire, là. Ouais, là, écoute, on va trop loin. Autour de 55% des divorces sont à cause de l'intérêt obsessif du partenaire dans la pornographie. 55% parce que l'autre regarde trop de porn. OK. Étrange. Ça, c'est plus qu'à la moitié, ça. Ouais. Un sondage a révélé que les hommes, il n'y a rien de plus sexy pour les hommes qu'une femme habillée d'une certaine façon, tu devines. Je dirais là, rapidement comme ça, je dirais infirmière, policière. Non? Pas infirmière, pas policière? C'est juste une fille habillée en pantalon de yoga. Ah! Sinon, mon prochain choix aurait été écolière. Ah, mais j'avoue que j'aime bien ton top 3, moi. Bibliothécaire sexy, moi, je l'ai racheté là-dedans. Ça existe? Ça existe. Ouais. Écolière, infirmière, t'as dit, et policière. Policière? Ben, policière, les menottes, puis... Gardienne de sécurité dans le QTR, ça compte comme policier? Ah, peut-être. OK. Donc, pantalon de yoga. Il y a une ville à Terre-Neuve, le Newfoundland, au Canada, donc, qui s'appelle Dildo. Là, je peux te dire, c'est juste le nom d'une ville. Ah, ouais, c'est ça. C'est pas comme hier, quand j'ai dit le mot dildo, alors que c'était clairement une référence à un objet sexuel. Ou avant-hier. Ouais. J'aurais pu me retenir là-dessus. Là, c'est la ville, dildo. Là, c'est légal. La durée moyenne qu'un homme dure après la... La durée moyenne qu'un homme dure après la relation sexuelle? Pénétration. Ah, OK, tu l'as dit. Est de 2 minutes. En moyenne. Ça reste dur après? Ouais. 2 minutes de temps. OK. Eh bien, en moyenne. En moyenne. C'est des moyennes que tu dis. C'est ça. Aussi, en moyenne, les gens qui s'occupent d'eux-mêmes. D'accord? Qui s'occupent d'eux-mêmes, qui se peignent, qui se maquillent, qui... Non, dans l'entre-genre. OK. Qui s'occupent d'eux-mêmes, tu sais. Qui se font du plaisir eux-mêmes. C'est ça. Okay. Ont tendance à vivre plus longtemps, à avoir une vie plus en santé. OK. Un sondage nous a appris. Tu vois comment je contourne pour ne pas avoir à dire découverte ou découvert? Donc, une étude nous a appris que 85% des hommes pensaient que leur partenaire avait eu un orgasme la dernière fois qu'ils ont eu des relations. Mais ce n'est pas ça. C'est pas le cas. 64% des femmes ont dit en avoir eu un. Donc, les hommes disaient... La dernière fois. C'est ça, la dernière fois. 64% ont dit que la dernière fois, il y en avait eu un. Les hommes, eux autres, pensaient que c'était 85%. Eh bien, tu sais que dans le G-Spot, on avait déjà parlé de ce fait-là. Je l'ai pas devant moi, mais le G-Spot, c'était genre le gars qui l'avait trouvé, découvert. C'est une fiche. Ah, je sais pas. Mais le G dans G-String, lui, veut dire groin. Groin voulant dire entre-gens. Ah. Entre-gens. Entre-gens. Entre-jambes, là. C'est ça. J'ai beaucoup d'entre-gens aujourd'hui. Moi, j'utilise le mot entre-gens. Très souvent. À bon escient. Et je m'en cache pas. Le G-Spot, le point G, c'est le point Grafenberg. Okay. Grafenberg. On l'appelle simplement G. Le point G, c'est ça. Pas la compagnie de production de Julie Snyder, ça c'est le point G. Ça c'est le point G. Le mot nothing en anglais, nothing, rien. Rien, ouais. À l'origine, c'était du slang. Et c'était un slang pour le mot, et là je vais utiliser le terme médical, vagin. Donc le mot nothing, à la base, c'était du slang pour dire vagin. Pourquoi je comprends pas? Je sais pas mon nom. Mais c'était à l'origine ça. Et c'est devenu. Ah, parce que probablement qu'il y avait nothing, tu sais, il y a rien. À place d'avoir un. C'est ça. On se comprend. On fait des bruits. Les femmes ont autant de chances d'avoir un orgasme avec ou sans condom. Okay. C'est seulement l'homme qui sent vraiment la différence. Et donc, tu sais, quand tu dis à une fille, ah, oh, mais moi, je suis pas confortable avec le condom, j'aime pas ça, c'est pas confortable. Les filles, souvent, vont pas le croire parce qu'elles ont le même feeling. C'est logique. Les petites maudites. Ouais. 2% de la population féminine américaine a de faux seins. 2%? Quand même. C'est beaucoup moins que je pensais, moi. À Hollywood et tout ça, tu sais, les grosses... Mais là-bas, en fait, le pourcentage est plus clairement plus élevé que ça. Ouais. Va en Alaska, c'est peut-être moins un peu. Sarah Palin n'a pas des... je sais pas ça. Mais she's a damn boob, par exemple. Mais bon, c'est une blague pour les anglophones. 400 millions de gens dans le monde sont considérés accros au sexe. 400 millions de gens dans le monde. 400 millions. Ouais. Quand même. Plusieurs koalas. Okay. Plusieurs koalas ont deux engins. Deux pénis. Deux, il y en a deux. Oh ouais. Incroyable. Et on va terminer la première partie du bloc, on viendra après, mais le sexe, les relations matinales sont plus efficaces que le café pour te réveiller. Et vont aussi te garder plus réveillé pendant plus longtemps dans la journée. Oh ouais. Et en hommage à ça, voici Morning Wood et Nth Degree. Morning Wood. We'll be right back. Honnêtement, je dirais que c'est une de mes pièces préférées de l'histoire de C'est fou depuis que je suis là, en genre 2004. Là, mettons, hein, le bois du matin, le bois matinal. Il me plaît, ce bois du matin, moi. Il me plaît énormément. C'était numéro 1 en février 2006. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Okay. J'adore ça. Donc, toujours dans la chronique, c'est un fait. Kinky, Sexy, Time et Edition, ou K-S-T-E-M-O-R-N-I-N-G, W-O-O-D. Hein? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. J'ai retenu quand même l'appellation de Morning Wood, moi. Donc, deuxième partie de Kinky Sexy Time, l'acomolitisme. Qu'est-ce que c'est, François? L'acomolitisme. L'acomolitisme. Je sais pas. C'est quand t'as une préférence pour un appareil génital sans poils. L'acomolitisme. Okay. C'est beau, hein? C'est un beau nom. Qu'est-ce que la gynémimétophilie? Gynémimétophilie. Aucune idée. C'est l'attirance envers les hommes qui imitent des femmes ou encore les transsexuels hommes vers femmes. Gynémimétophilie. OK. On retient ça, tout le monde. L'agalmatophilie. C'est l'attirance sexuelle à une statue, une poupée, un mannequin ou d'autres objets figuratifs. Agalmatophilie, pardon. Devine l'heure maintenant, c'est vraiment un quiz, tout ça. L'heure, le summum, le sommet qu'on peut avoir pour les recherches de sexe sur Internet. T'sais, on cherche sur Internet pour des termes sexuels. À quelle heure? Bah, c'est le soir, évidemment. Ouais, ouais, il est chaud. 10h? Non. 9h? Non, t'es froid, là, t'es froid. Minuit? Non, t'es chaud, mais froid. Tiède. 1h? T'es froid, là. OK, 11h? 11h. Ça aurait pu durer longtemps. 11h, 23h. Devine le pourcentage d'utilisateurs de porno qui disent qu'ils se sentent coupables après avoir regardé la porno. 1%? Combien? 1%? Non, t'es très froid. Ben là, 30% des gens se sentent coupables. Ben, voyons donc. Ben oui, mais là, quand même. 3 personnes sur 10. Une recherche nous a appris que les couples qui font plus de tâches ménagères ont plus de relations sexuelles. Plus tu fais de tâches ménagères, plus tu as de sexe. OK. Ça n'a aucun sens. C'est comme un bonbon. Là. C'est comme une gâterie que tu fais après. Oui, pour te récompenser d'avoir fait ça, t'as raison. Une autre étude. Les hommes sont plus attirés par la voix d'une femme pendant sa semaine dans le mois, tu sais. Pendant sa semaine, ouais. Sa voix est plus attirante. Selon l'étude. Devine le pourcentage d'hommes pour lesquels, en tout cas, pour qui leur testicule gauche est plus bas. Un pourcentage d'hommes, leur testicule gauche est plus bas. 50%? Non, 75, le 3 quarts. Okay. Ça n'a aucun sens. C'est de même. Pourquoi c'est fait comme ça? C'est de même, c'est la nature, cher. Okay. Regardez une porno de threesome, tu sais, des ménages à trois, peut produire du sperme de meilleure qualité. Voyons donc. Une étude, encore. Devine le pourcentage de femmes qui ont un sein plus gros que l'autre. Ben, c'est énorme, là, me semble. Là. Je dirais 80, 90. Non, t'as le contraire de tantôt. Là, c'est 50%, celle-là. Ah ouais? Bizarre, hein? Ah. 50%. Je pensais qu'il y en avait tout un plus. Devine, ben, peut-être que, genre, c'est peut-être plus marqué. Ou peut-être, ouais, peut-être qu'il y a un barème et... Ça, c'est pas là du coup. Ouais. Le pourcentage de femmes qui prévoient leurs tâches ménagères pendant leur relation sexuelle. Je sais pas. 3%. 3%? 3%. Le pourcentage de femmes qui disent qu'elles seraient insultées si un collègue de travail lui demandait des relations sexuelles ou lui proposait des relations. Pourcentage de femmes qui seraient insultées. 20%? 66%. Hey, quand même, OK. Quand même, hein? Toi, tu avais tendance à penser que les femmes seraient flattées, c'est ça? Ben... J'aurais été de ton bord, je pense. T'as raison. On parle encore de testicules. De pieuvres qui sont situées dans sa tête. Dans sa tête, la pieuvre. Eh bien, les hommes ont 4 fois plus de chances de dormir nu qu'une femme. Eh ben. Pourcentage, encore une fois, de couples mariés qui n'ont pas de relation sexuelle le soir de leur mariage. Pourcentage de couples mariés qui n'ont pas de relation le soir de leur mariage. 10%? 30. 30? Pourquoi ils sont trop ça brosse? Je sais pas, peut-être. Ouais, j'imagine. Devine ce qu'est la titilagnie. Titilagnie. Titilagnie. Titi, titiller, titi... Titiller, non, ça te dit rien. C'est être allumé sexuellement lorsqu'on te chatouille. Ah, ça turn on. Titilagni. La majorité des dindes sont bisexuels. La majorité des dindes. OK. Libristophilie, c'est être allumé sexuellement en ayant des relations sexuelles avec un criminel. Ça, c'est différent de se faire voler et d'être attiré par les voleurs dont on a parlé dans la précédente chronique. C'est un fait kinky sexy tabulation. Ça, c'est libristophilie, c'est juste un criminel. En Égypte antique, on croyait, en fait, eux croyaient que leur dieu Atum, A-T-U-M, avait créé l'univers en se touchant lui-même. Il avait créé... Non, mais pour vrai. Il avait créé l'univers en se touchant. Donc, les pharaons se touchaient, dans le Nil. C'est une rivière. OK. En espérant... Ouais. Eh bien. Ouais. C'est spécial, hein? Tant mieux, ça, l'histoire ne dit pas si ça marche. Je sais pas du tout. Selon un sondage, combien de femmes avalent? Là, on va beaucoup trop loin. T'es hard un matin, Matt. Hardcore. Quel pourcentage, je sais pas, je dirais... 40%? 30%, t'es d'accord. 30%, ouais. Penser au sexe peut vous aider à retenir votre pipi. Comment? Ça peut vous aider à ne pas aller aux toilettes quand vous avez envie de pipi. De penser à des relations. C'est le fun, hein? Et puis là, est-ce qu'on y va avec les deux derniers? OK, les deux derniers ont pas l'air si pire que ça. L'engin masculin se rend à sa grandeur complète à 17 ans environ. Ça va rarement pousser après ça. OK. Et une autre définition de mot, vaginismus. C'est une dysfonction sexuelle qui est causée par un spasme musculaire involontaire autour de l'entrée féminine, d'accord? Qui va empêcher l'insertion masculine dans l'entrée féminine. Le output n'ira pas dans le input. Le left channel est bloqué par... OK. Ça va faire. Voilà. Pour Kinky Sexy Time Edition, c'est un fait. Je suis à bout. Bon. Je suis pas à pou. Non. À pou? Please come back. Donc, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième heure, François Levine? On va recevoir Maxime Bilodeau. Ça, c'est vers les 8h30. Je t'ai fait deviner tellement de choses aujourd'hui. Là, t'as encore des bonnes réponses. Et on va parler... Ouais, mais le pourcentage, c'était pas excellent. Pas pire, mais quand même. Mais c'est pas évident, non. Évidemment, on va parler de l'excellence. Oui. Des athlètes d'excellence. Ça fait de bien dans l'émission, je trouve. Tout à fait. Et avant ça, on va recevoir... En guillemets. Ouais, exactement. David Ferron qui va nous présenter Simon Fitzbé. Oui, du jazz avec Simon Fitzbé. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Ça, c'est oh. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Voilà pour une deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 24 octobre 2012. François-Olivier Marchand, bon retour. Mathieu Plante, bon matin. Bon matin, good morning. Hey Matt, j'ai hâte. T'as hâte? J'ai hâte d'entendre David Ferron. Ah oui? Je suis comme impatient en ce moment, là. J'ai le goût d'écouter David Ferron. Moi? Ben, je pense qu'on devrait y aller tout de suite. D'abord, on va... Qu'est-ce que t'en as dit, toi? On va l'amener. David, viens-t'en. T'as-tu hâte? Ben, oui, j'ai hâte. Gâche-le. Prends ton micro, David. Prends deux micros, même. On va faire ça full stéréo. Oh, Simon! Simon puis David sont là, Colin. Puis ils serrent la main, puis... Je veux un chat. La langue dans ton oreille. Oh, il est cute. Donc, sans blague, David Ferron n'est pas en studio avec nous. Non, David n'est pas là. Il n'y a personne. Mais ils se sont rencontrés un petit peu plus tôt dans les studios C'est fou cette semaine pour parler de jazz, entre autres. Et on va commencer l'entrevue dans quelques minutes juste après cette chanson de Django Reinhardt. Voici Nuages. Dans la langue dans ton oreille. Thank you. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de ressusciter Simon Fitzbé à Assemblage requis parce qu'on connaît tous Simon, notamment comme l'animateur de l'examen final avec Maxime Tanguy qui passe à tous les lundis sur les ondes de C'est fou de 13h à 14h. Mais pour ceux et celles qui s'en rappellent, Simon Fitzbé a déjà été chroniqueur pour Assemblage requis, notamment pour la chronique Phénomène, mais il a déjà été animateur de plein d'autres émissions sur les ondes de C'est fou, comme Un genre de bleu ou encore Album classique. Bonjour Simon. Bonjour David. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. La chanson qu'on vient tout juste d'entendre, qu'est-ce que c'est? C'est la pièce Nuage du Hot Club de France, le groupe qui était mené de main de maître par le guitariste Django Reinhardt, le tigan français qui a fait connaître le swing guitarisé partout à travers le monde. Ouais, ça, on voit que c'est quand même assez dynamique. On s'entendrait pas que c'est français, mais il y a un petit côté, OK, tribune nomade, mais en même temps, on a le goût de rester chez soi tout en voyageant. Oui, effectivement. Eh bien, en fait, cette pièce-là, parmi les deux autres qu'on va écouter tout à l'heure, pourquoi, en fait, tu les as choisies? Ben, en fait, la pièce du Hot Club de France en particulier, bien, c'est que je suis guitariste de formation, d'une certaine façon. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer parce que, bon, il faut se rendre à l'évidence. Mais c'est un groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais au cégep. Ça a beaucoup influencé. J'étudiais la guitare classique, mais j'aimais aussi beaucoup le jazz. J'avais des cours de jazz. C'était un des groupes que je voulais imiter dans le fond, mais c'est vraiment des virtuoses de leur instrument. La deuxième pièce, c'est une pièce qui est quand même assez osée, non pas osée, mais c'est coquin en fait, on pourrait dire. C'est Dorothée Berryman qui reprend cette pièce là qui est Les Nuits d'une demoiselle, qui est franchement intéressante à entendre. C'est quelque chose, comme je disais, vous allez le voir, vous allez plutôt l'entendre. C'est une pièce qui est coquette, qui est jolie. C'est ce qui est le fun avec la chanson française, entre autres. Oui, surtout que Mme Berryman a une voix vraiment qui est sensuelle. On a goût de manger des chocolats dans des couvertures rouges de satin quand on écoute Dorothée Berryman. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, on peut voir ça comme ça, oui. Et en fait, ça remonte à quand ta passion pour le jazz? Comme je te disais, ça remonte un peu au cégep. Quand j'étais au secondaire, je faisais de l'harmonie, là, c'est-à-dire on jouait des pièces un peu plus classiques, mais avec beaucoup de cuivre. Déjà là, j'avais un genre d'attachement pour ce style-là, mais c'est surtout en arrivant au cégep, en ayant des cours de musique, guitare jazz, musique populaire, que ça a plus accroché. J'ai eu plus la chance de découvrir aussi plusieurs autres artistes que j'avais jamais eu la chance d'entendre. Puis c'est resté, mais je te dirais que vraiment la passion comme telle vient de l'émission Un genre de bleu. Dans le fond, c'est un peu comme donné comme défi d'apprécier le jazz assez pour le présenter pendant un été. Puis je pense que ça a bien fonctionné parce que je suis rendu accro un peu à ce style-là. Ah oui, parce qu'avant, en fait, t'aimais ça, mais t'étais pas accro nécessairement, si je comprends bien. Je suis pas du genre à aller prendre une marche avec mon iPod puis écouter du jazz. À cette heure, je trouve que ça se fait aussi bien qu'écouter du thrash metal ou des trucs comme ça. Mais bon, ça, c'est une question de point de vue. Oui, c'est sûr, dépendamment du rythme à laquelle on veut, auquel on veut marcher aussi. Mais en fait, ton goût pour le jazz a évolué au fil du temps. Ben, c'est sûr que j'ai toujours aimé les classiques. On commence toujours par le swing, on dirait, au niveau du jazz, les big bands, les trucs comme ça. C'est les choses les plus accessibles, les choses qu'on a plus entendues. Mais à la longue, j'ai découvert ce qui s'était fait, entre autres avec Miles Davis, qui a couvert la période des années 40 aller jusqu'aux années 90, qui est une très bonne façon de s'initier aux différents mouvements qui a d'ailleurs lui-même parti. Fait que j'ai commencé, comme tout le monde, un peu avec le swing, avec le big band. J'ai avancé un peu plus dans le jazz, le cool, le bop, le bebop, le hard bop. J'ai vraiment beaucoup aimé le fusion. D'ailleurs, quand j'étais au cégep, c'est un des styles que j'aimais le plus, que j'ai continué à traîner. Mais outre ça, j'ai découvert aussi le jazz latin, l'afrobeat, qui s'est aussi un peu mixé au jazz dans les années 70. C'est vraiment, je dirais, ma période préférée des années 60-70 au niveau de l'innovation qu'on avait, d'un jazz qui essayait de rejoindre un peu plus la pop et ce qui se faisait dans le milieu du rock aussi à l'époque. Donc, c'est pas juste le jazz dans une boîte fermée, mais vraiment le jazz qui est ouvert à toutes sortes de styles qui t'allument, si je comprends. Exactement. Un jazz qui se laisse influencer, mais qui influence aussi. Je pense que c'est vraiment c'est super intéressant. Ah, ben on voit que t'as vraiment un éventail assez large et non fermé, parce qu'on pense souvent que le jazz c'est un style fermé, alors qu'au contraire, c'est très ouvert, puis tu viens juste d'en faire la preuve. En fait, on va écouter la deuxième chanson, donc si je me rappelle bien, c'est Madame Berryman. Dorothée Berryman, Les Nuits d'une demoiselle. Ah ben excellent, on écoute ça et on termine après pour la deuxième partie de l'entrevue. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramonner l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais fouiller le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise. Tout simplement. Eh bien, nous sommes de retour avec la chronique La langue dans ton oreille. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Simon Fitzbay, amateur de jazz. Oui. Eh bien, pour, en fait, la deuxième partie d'entrevue, ça va être surtout le jazz dans le domaine francophone. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus parce qu'on sait que tu as quand même une opinion assez réfléchie sur bien des sujets. Effectivement. Des fois, j'aimerais qu'il soit un peu plus réfléchi, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais entre lire le Journal de Montréal et voir tes chroniques aux Ondes Campus, 100 fois les Ondes Campus, vous pouvez lire Simon Fitzbay à tous les deux semaines dans sa chronique aux Ondes Campus. Si vous voulez, oui. Ah, vous le voulez. Lisez une ligne, vous allez tout lire le texte. Alors, c'est bien. Alors, j'essaie d'être bien de plugger, Simon. Je fais mon possible. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. J'apprécie. Bon, on va retourner justement à ton côté, non seulement chroniqueur, mais plutôt à ton côté amateur de jazz. Et je voudrais savoir, selon toi, est-ce que tu trouves que le jazz francophone est un style sous-développé, surdéveloppé ou suffisamment développé? Ça dépend de la période, surtout, je te dirais, parce que, bon, faut pas oublier que le jazz vient du blues, qui vient des chants de coton, des esclaves afro-américains. C'est une musique qui est très, très anglophone déjà au départ. Là. C'est très anglicisé. Même quand il a commencé à avoir les premières paroles, c'était à New York, les chanteuses de jazz. Ça s'est transformé en France un peu justement avec le Hot Club, mais avec des musiciens un peu plus classiques. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins de Français qui ont chanté du jazz parce que il y a un genre de mélange qui s'est fait en France, entre autres, avec la chanson française et le jazz. Entre autres, Boris Vian, qui va être le dernier interprète qu'on va entendre. Lui, il y avait une émission de radio sur les plus grands artistes de jazz dans les années 40. Et il écrivait aussi sa musique et tout ça. Il tripait vraiment là-dessus. Mais avec les années aussi, dans les années 50, les Français sont devenus un peu plus quétaines, si on veut, avec l'arrivée de Johnny Hallyday et tout ça. Donc, Rivers aussi. Rivers, oui. Il y a eu au moins Gainsbourg qui est resté comme pour ramener ça un peu à l'avant-scène, un peu tout le temps. Là. Il y a un bon fond de jazz, ce cher Serge. Mais entre autres, au Québec, le jazz est surtout instrumental. Je pense à Uzeb. Il y a eu aussi des groupes de progressifs qui ont flirté avec le jazz dans les années 70, mais rien de chanté. Et puis, ce qu'on entend dans le jazz francophone de nos jours au Québec, c'est beaucoup plus des chanteuses qui vont faire des reprises, mais sans avoir nécessairement une notion, une profondeur jazz qui est à tout casser. Comme Madeleine Perroux, par exemple. Exactement, qui a fait un gros retour de l'avant avec ça. Ouais. Oui, puis même André Lydie, je sais pas, est-ce que tu penses que certaines chanteuses dites populaires qui essaient de mettre des sonorités de jazz, est-ce que tu crois que ça s'appelle du jazz, par exemple, André Lydie, ou ça reste de la pop avec des touches de jazz? Je vais être peut-être un peu méchant. J'espère que ces gens-là écoutent pas, mais je dirais que c'est du jazz de ma tante, un peu, d'une certaine okay, façon. Ouais. C'est des gens qui ont plein de bonne volonté. Dans le fond, là, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas nécessairement des spécialistes qui vont aller écouter Blue Train ou qui vont aller écouter du Miles Davis qui après ça va aller acheter cet album-là. C'est plus des gens qui sont plus ou moins initiés à ce style-là, qui vont vraiment qui vont beaucoup aimer ça et qui vont aider d'ailleurs les artistes à être beaucoup plus prospères. Parfois, ça va peut-être leur ouvrir la porte sur des nouveaux artistes, des artistes différents, mais ça reste quelque chose qui est comme beaucoup, beaucoup en surface de ce style immense qui est le jazz. Oui, dans le fond, c'est on reste accessible parce qu'on veut mettre un style par rapport à... C'est plus un prétexte pour mettre un arabage, je comprends bien. Oui, exactement. Que pour développer le style en tant que tel. Et dernière question, avant de terminer l'entrevue. Eh bien, pourquoi, selon toi, le jazz francophone, d'après ce qu'on s'en était parlé tout à l'heure, n'est pas aussi connu que le jazz anglophone, malgré le succès, par exemple, d'Uzeb? Ben, je te dirais, c'est en fait, Uzeb, c'en est un bon exemple. Ils ont décidé d'aller beaucoup plus dans le côté, c'est-à-dire instrumental de la chose. Des artistes aussi, ben, souvent, même des francophones vont décider de chanter soit en espagnol ou en anglais. Parce que, bon, c'est l'origine du jazz, mais non seulement ah oui, ça. Oui, les origines espagnoles du jazz. Ben, en fait, je veux dire, en anglais, c'est les origines. Okay, en espagnol, ouais. c'est un peu le petit côté latino qu'on a rajouté avec les années. Mais c'est aussi dans l'optique de vendre des albums d'une certaine façon. Si tous les Québécois achetaient des disques de jazz en français, tout le monde en ferait. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive du tout. On aime mieux acheter des trucs. C'est-à-dire des trucs anglais, même si on sait que c'est un francophone qui va chanter, un peu comme l'a fait Sylvain Cossette avec ses disques de 70s, là, qui c'est pas du jazz du tout, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est une façon aussi d'aller briser les barrières, hein, parce qu'il y a beaucoup de musiciens instrumentaux qui vont nommer leurs compositions en anglais parce qu'ils savent qu'ils vont vendre plus d'albums aux États-Unis ou au Canada anglais qu'au Québec, parce que malheureusement, les émissions de jazz, les gens qui font la diffusion du jazz, il y en a pas. Il y en a peut-être 4-5. On est un petit club assez restreint. Il n'y a pas un réseau de distribution non plus qui est génial. Les artistes, bien souvent, vont plus perdre de l'argent qu'en faire. Donc, à moins d'avoir un succès commercial, d'être backé par des grosses maisons de disques, c'est un peu difficile, là, vraiment, de se développer. Un peu partout à travers le monde, c'est un peu... En France, c'est un peu la même chose. Les gens vont plus chanter en anglais maintenant qu'ils vont faire du jazz qu'en français. On va aller chercher les standards aussi qui ont tous été... Il y en a qui ont été francisés. Il y en a que c'est le contraire. Des fois, ils ont été anglicisés d'une chanson française, comme Autumn Leaves, c'est quelque chose dans le genre. Également La Mer, qui était une chanson française qui a été traduite à Beyond the Sea, qui était un standard jazz aussi. Mais c'est ça, c'est qu'on va vraiment rester souvent avec ce standard-là anglicisé en tête, parce que c'est celui qu'on a entendu le plus souvent. Puis c'est de cette façon-là un peu qu'on conçut les opportunités en français du jazz. Puis en fait, ça me cite une dernière question parce que c'est sûr qu'il n'y a pas une forme de marché radiophonique pour le jazz francophone, mais là, il y a deux exemples qui me sortent de la tête, Nicole Martin et Michel Louvain. Est-ce que tu penses finalement que le jazz de style populaire, c'est plutôt une affaire de génération? C'est une bonne question. C'est peut-être une affaire de génération pour certains styles. La chanson peut-être un peu plus que peut-être la musique instrumentale. C'est aussi une façon de continuer de vendre des albums, c'est-à-dire d'aller chercher des trucs que les gens connaissent déjà puis de les refaire une sauce soit plus jazzy ou tout simplement de prendre un classique et de le refaire. Donc c'est une façon. C'est probablement une génération, mais il y aurait moyen quand même d'intéresser les plus jeunes. Mister Valère est considéré comme du jazz, même si c'est instrumental. Donc il y a une fenêtre qui s'ouvre peut-être en quelque part là, pour les gens qui seraient prêts à... Parce que tu sais, le jazz, c'est qu'il faut... Il faut vouloir l'écouter. C'est pas quelque chose que tu t'assis et tu vas apprécier du jour au lendemain. Il faut se forcer un petit peu, mais une fois que tu t'es forcé assez, ça vient naturellement par après. OK, c'est pas comme la pop où ça vient tout de suite dans nos oreilles, ça reste... Ça reste un verre d'oreille, plus ou moins, c'est ça. Puis il y a tellement de différences, il y a tellement de profondeur à la musique que ça vaut vraiment la peine de découvrir ça. Ah ben c'est bien, mais là-dessus, Simon, avant de se quitter, t'as une troisième chanson dont on a parlé avant la deuxième chanson. Oui, Boris Vian avec la pièce Je bois qui je pense une de mes pièces préférées de Boris Vian, juste pour la façon qu'il parle de sa femme là-dedans, c'est vraiment génial, la voix aussi qui puis comme je disais, c'est quelque chose qui est un peu plus chanson française, mais ils se sont tellement inspirés du jazz que ça en est indissociable d'une certaine façon là, surtout pour cette époque-là. Ah ben excellent, on va écouter Je bois de Boris Vian et Simon là-dessus, un très grand merci d'avoir accordé du temps pour une entrevue pour l'émission Assemblage Requis. Ça fait plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Ben excellent, moi ça me fait un gros plaisir. Merci. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Boris Vian et la pièce Je bois à Assemblage Requis. C'est du jazz à matin, toi, François? Ben oui, mur à mur en plus. On remercie David Ferron pour son entrevue avec M. Simon Fitzbé. Et on remercie c'est aussi... Simon Fitzbé. C'est ça. On remercie aussi Simon de la part de David qui m'a dit « Oublie pas de remercier Simon de ma part. » Ce que j'ai fait à l'instant. Sacré David, hein? Non, mais David et Simon, une belle petite paire comme ça. Puis merci pour la collecte, la langue dans ton oreille. Ça revient mercredi prochain. Mardi prochain. En direct. En direct à 8h30. Génial. Voilà. Dans quelques minutes après la pause, on recevra Maxime Bilodeau qui est en studio déjà avec nous. Bon matin. Bon matin, messieurs. Ça va? Ça va bien? Oui, très bien. Vous-même? Super! Très bien. Alors, ouais. Ça va? Excellent. Ça va excellent. Ouais, c'est ça. On va parler de l'excellence. Ah, attends. Il l'a lancé. Le mot est lancé. On va parler de l'excellence. On va se poser des questions à savoir. Mon Dieu. Qui est. Ben, qu'est-ce que l'excellence? Mais qui est le meilleur athlète au monde? Oui, c'est Wayne Gretzky. Je t'en parlais tantôt. Déçois-moi pas. Ça ne doit pas être un joueur de hockey. C'est pas un joueur de hockey. On va voir. Je laisse le suspense aller. Mystère. On revient tout de suite. Restez là. Yes. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. François Landry nous donnera une leçon de politique dans Logocratie 101. On apprendra comment dépenser son argent inutilement. Non, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est demain matin à 7h à assemblage requis. Soyez-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Pour ça, il n'est pas là. Je veux pas être rabat-joie, mais François Landry n'est pas là demain. T'es plate un peu. Là. Mmh. Ça gâche un petit peu ma pub de demain. Là. Ouais. Ça gâche ma pub, ça, là. Parce que la pub, il n'y avait rien dedans, sinon. Demain, à Sauvage Rocky, rien pantoute. Demain, à Sauvage Rocky, vide. Le vide. Panne de courant. Hey, hier, on a eu une panne de courant. Ça fait que oui. Ça a arrêté en plus rien. Tune. Même chose de mon côté. Ouais. Mais les gens se demandaient parce qu'apparemment que sur notre station, il y avait d'autres choses qui jouaient. Fait que c'est sûrement une station genre de Québec qui diffuse à la même fréquence, qui diffusait par-dessus nous autres parce qu'on n'était pas là. Oh! On n'était pas là? Un complot. Un complot terroriste. Envers, c'est fou. On est rendu big. Peux-tu, hein? C'est ça quand t'es big, là. Tout peut arriver, hein? Comme, mettons, être excellent et gagner des prix, des médailles, mettons. Hein? Oh! C'est le lien qu'on fait. Le petit lien. Clin d'œil, clin d'œil. D'une foulée à l'autre. Maxime Bilodeau. Ouais, en personne. Monsieur Bilodeau, comment ça va? Ça va super bien. T'as l'air de bonne humeur. Oui. Moi, semaine de relâche, la joie dans mon cœur. Ah bon? Bravo, mais c'est le fun. Et c'est le fun parce que t'es avec nous. Oui, c'est oui, rare, oui. C'est rare, ouais, c'est ça exactement. Je suis là en chair et en os. Regardez-moi, je suis pas un hologramme. Non. Et on t'apprécie énormément pour ta présence. Yes. Et aujourd'hui, on parle d'excellence. C'est qui le meilleur athlète? Est-ce qu'il existe vraiment? Le meilleur athlète au monde? C'est une grosse question à se poser dans une semaine de relâche. Alors, allons-y, on va attaquer ça tout de suite. Tu penses trop. Je pense trop. Le petit hamster va trop vite, là. Ça sent le fumé. Ah, ça sent la fumée, voilà. Ça sent la fumée, oui. Le fumier, c'est quoi j'allais dire? J'ai pas compris. Ah, laisse faire. Bon, c'est pas peu importe. Donc, c'est quoi? Qui est le meilleur athlète au monde? Quel Wayne est son sport? Qu'est-ce qu'il fait? Wayne Gretzky. Manon Réon. D'emblée, je veux dire que quand on s'attaque à cette question-là, et puis quand on s'attaque à cette question-là, dans le fond, il faut comprendre qu'on a déjà un biais de sélection, dans le sens que. Là, tu vas me dire que Wayne Gretzky est pas là-dedans. Le sport qu'on pratique, c'est sûr que c'est les sports qu'on va dire, ah, c'est les meilleurs athlètes au monde. C'est peut-être pas le sport le plus demandant. Et voilà. Mais c'est parce qu'on le pratique nous-mêmes. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de golf.

tu allais nous parler justement de l'athlétisme. J'aurais pu vous parler justement des marathoniens. Moi, personnellement, je pense que courir un marathon 42,2 km en quasiment 2 heures, on est rendu à 2h03 à peu près. C'est énorme. Hein? C'est malade mental. Oh, c'est une vingtaine de kilomètres heure. Tout à fait. De moyenne. Donc, moi, ça me scie en deux étant un coureur. C'est très impressionnant, mais comme tu as dit, je pense que le point vraiment important là-dedans, c'est celui qui sert à quelque et chose. Et voilà. Ouais. C'est autre que d'aider la population à être de bonne humeur, ou je sais pas quoi. C'est quoi le but du sport? C'est le lien social. C'est le lien social. Donc, à quelque part, le sport, c'est le meilleur sportif doit être plus qu'un sportif. Voilà! Il parle bien, ce gars-là. J'en reviens pas. Engagez-le, la chronique à chaque semaine, les mercredis. À 8h30. C'est tout. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, messieurs. On se voit la semaine prochaine. Excellent. Certainement. On va écouter en hommage à tout ça, nos amis les surveillantes qui vont nous parler un peu de la force de la gravité. Comme dans l'espace. C'est ça. Oh, tabarouette. Hey, les liens arrêtent plus. Hein. Ça pleut. Ça saute de la stratosphère. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. De physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Déjà fait revirer une vieille. Les surveillantes et la force de la gravité à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission. On vous rappelle que l'auto de François-Olivier est toujours sur Kijiji à 600$. Dodge Dynasty 90. Voilà, c'est dit. Pas cher. Est-ce qu'on a un intéressant studio? Une fois, deux fois? Peut-être. Je travaille là-dessus. On m'a déjà refilé une vieille boîte. C'est pas une vieille boîte. Okay, moi, non. Un vieux taco. Une vieille machine. C'est voilà. C'est une Honda Civic 94, je pense. Ah, ben c'est pas super. Oh, et ça veut pas mourir, sauf que c'est vieux pareil. C'est une coquerelle, cette affaire. Ça veut pas mourir. Dit. Bon, donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Demain, il n'y a pas François Landry. Non, François Landry n'est pas là. Non, par contre, on va faire 5 semaines, ça devrait pas. Là, on va se créer des besoins ainsi que régler vos problèmes. Tout ça dans une seule et même chronique. Et puis, il y aura tout plein d'autres choses autour de ça. On va sûrement écouter le nouveau Diamond Rings dans le poste d'écoute. Yeah! On aime ça. On aime ça, Diamond Rings. On adore Diamond Rings. Ouais, c'est très bien. Restez sur nos ondes, restez à l'écoute. À partir de 11h, ce sera le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, ensuite d'autres émissions qui auront lieu de différentes tranches horaires, de longueur à déterminer. Allez voir sur le cif.ca. Méfiez-vous pas dessus. Et aussi, allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. C'est la semaine de relâche, demain. Ouais, c'est ça, exact. On se quitte avec Galaxy et Camouflard. À demain. Bye. Bye, bye. Bonne journée, François. Bonne journée, Matt.